À l'occasion du 36e anniversaire de la proposition du projet de fondation de la République fédérale démocratique du Corée, le homepage internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et le homepage internet polonais La République populaire démocratique de Corée ont présenté respectivement la troisième partie réunifiant la patrie en toute indépendance et par la voie pacifique, tirée de l'œuvre du président Kim Il-sung, rapport d'activité du comité central présenté au 6e congrès du Parti de travail de Corée.